annonce un rabais sur les poireaux. C'est bien plus sûr qu'une prévision météo. Des bons rabais sur la vaisselle, c'est bien plus fiable que les nouvelles. Quand il y a des spéciaux sur l'avion, la chienne, c'est bien meilleur qu'une promesse de politicien. Du 2 pour 1 sur les patates, ha ha ha, comme j'ai hâte. Je suis un maniaque du publicitaire. Je commencerai par ma semaine sans regarder mes aubaines. Une vente de débarras sur les moquettes. Vite, j'en avise ma tante Annette. Une promotion sur les melons, c'est plus solide que des candidats. Le café, les poireaux, le beurre à l'ail, cette semaine sont tous en spécial. Une vente de feu sur les barbecues. Vite, vite, vite, dites-moi c'est où. Je suis un maniaque du publicitaire. Commencez par la scène, sans garder mes auberges.